en Ukraine en 2004, où on a entendu dire que l'Ukraine doit faire son choix, c'est l'Occident ou la Russie. Donc vous voyez, c'est l'histoire qui date depuis longtemps. Nous avons espéré que le bon sens va l'emporter et l'Occident va comprendre qu'on ne peut pas agir de cette manière éternellement, qu'on ne peut pas faire étendre l'OTAN à ne rien malgré les obligations qui ont été enregistrées dans le CE. On ne peut pas renforcer sa sécurité au détriment de celle d'autrui. Aucune organisation sur l'espace de l'OSE ne peut clamer un rôle dominant. C'est écrit dans les documents. Les États-Unis et la Grèce ont signé ce document. Afrique Média. Le monde, c'est nous.